Moi, je peux vous dire que je crois que la solution de beaucoup de problèmes du monde, c'est le métissage. Il devrait y avoir un métissage général, pas seulement ethnique, mais de culture. Yesai, Narcos vient poser pour toutes les communautés, faire tomber toutes les frontières qui nous ont trop souvent menottés. Voilà des siècles qu'on nous met des barrières, qu'on nous inculque des idées fausses, que des peuples sont incultes, qu'entre nous y'a des fausses. Ça va de retard de civilisation jusqu'à carrément arriéré. Différence de culte qui mène aux conflits armés. Autour d'enfants soldats, les seigneurs de guerre font la ronde. Des milliers d'âmes perdues errent au milieu des bombes. La défense des frontières en est la cause. Même en France, c'est la sinistrose. Tout le monde se renferme, personne ne communique. Les contacts sont virtuels, partout c'est la panique. La peur de l'autre parce qu'il est différent. On connaît ça depuis la nuit des temps. Mais sache qu'il n'y a pas de choc des cultures, juste des traditions qui se rencontrent. Mets de côté tes préjugés et c'est là que tu te rends compte de la richesse de notre monde. Partout la couleur du sang est la même. Sur les 5 continents on rencontre ce problème. Les humains fonctionnent tous pareil. Une bouche, un nez, des yeux, des oreilles. Pourtant tu persistes et signes à dire que des races sont inférieures. L'exploitation de la misère profite aux puissances mondiales. Les grands de ce monde se partagent la planète et se régalent. Ils ont divisé l'Afrique en formes géométriques, sans tenir compte des populations créant rivalités ethniques. On a détruit un mur à Berlin pour en construire en Israël et au Mexique. J'aimerais qu'on vive sans frontières, que mon voisin soit mon convive. Entre nous y'a plus de sans frontières, sauf le partage des cultures et la lumière. L'unique solution pour que la paix se ravive, que la paix se ravive. J'aimerais qu'on vive sans frontières, que mon voisin soit mon convive. Entre nous y'a plus de sans frontières, sauf le partage des cultures et la lumière. L'unique solution pour que la paix se ravive, que la paix se ravive. Faut que tu te rends compte qu'une vie n'a pas de sens sans amour. Que même le plus grand gangster a besoin d'un peu de réconfort. 5 lettres pour résoudre les problèmes de ce monde. Mais on l'ignore et on s'envoie des bombes. Un peu de fraternité ne peut pas faire de mal. Un regard de compassion envers ceux qui sont au plus mal. Les gens se croisent et baissent les yeux. L'égoïsme en chacun de nous, qu'on soit jeune ou vieux. Au fond de nous on aimerait que ça change. Mais malheureusement personne ne veut faire le premier pas. Je rêve d'une humanité avec plus d'échanges, moins de paraître et plus de coups bas. Quelles que soient tes origines, tu as le droit à l'amour. D'une mère, une femme, une fille, et cela pour toujours. Que tu sois faible ou fort, tu as le droit au réconfort. D'un père, un mari, un fils, pour protéger, te rendre plus forte. On peut tous améliorer les choses à son échelle. Il suffit parfois d'un rien pour nous rendre le sourire. T'aimerais qu'on te tende enfin l'échelle pour redresser la barre et te mettre à courir. Message d'espoir. One love pour toute la planète. J'aimerais qu'on vive sans frontières, que mon voisin soit mon convive. Entre nous y'a plus de sans frontières, sauf le partage des cultures et la lumière. L'unique solution pour que la paix se ravive, que la paix se ravive. J'aimerais qu'on vive sans frontières, que mon voisin soit mon convive. Entre nous y'a plus de sans frontières, sauf le partage des cultures et la lumière. L'unique solution pour que la paix se ravive, que la paix se ravive.